Chapitre 25. Les deux vapeurs, le Pacifique et le Labrador, courent à toute vitesse sur l'océan. L'un est sorti du canal de Saint-Georges, l'autre de la Manche. Les mêmes eaux les portent, et dans l'air frais et pur, qu'aucune souillure terrestre ne ternisse, leur fumée noire trace la ligne qu'ils suivent. Sur le pont du Labrador, une femme à la toilette élégante, une Parisienne, Cara, une jumelle de course à la main, sonde les profondeurs vaporeuses de l'horizon. Et quand passe un officier, elle lui demande, mais sans préciser la question, si tous les vapeurs partis d'Europe le samedi pour l'Amérique suivent la même route. Sur le pont du Pacifique, Léon regarde aussi la mer. Mais il ne cherche rien à l'horizon. Que lui importe que tel navire soit ou ne soit pas en vue? S'il promène les yeux çà et là, c'est en rêvant mélancoliquement. Depuis longtemps, il n'a pas eu une heure de solitude et de liberté. Il avait été si bien pris, si étroitement enveloppé par Cara, qu'il avait peu à peu cessé de s'appartenir pour lui appartenir à elle, n'ayant pas une pensée, une sensation, un sentiment qui lui fût propre ou personnel. Tous lui étaient suggérés par elle, ou tout au moins étaient partagés avec elle. On ne se dégage pas facilement d'une pareille absorption. On ne s'affranchit pas comme on veut d'une pareille servitude, car ce n'est pas seulement le corps qui se façonne par l'habitude. L'esprit et le cœur se modifient tout aussi aisément, tout aussi rapidement, et ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils reprennent leur personnalité. Seul sur ce navire, il ne sentait en lui qu'un vide douloureux, une tristesse vague que l'ennui de la vie à bord et la monotonie du spectacle de la mer roulant continuellement une longue et grosse houle rendaient encore plus pesant. À qui parler ? L'oreille qu'il écoutait ordinairement ne pouvait l'entendre. Les yeux dans lesquels il cherchait l'accord de sa pensée ne pouvaient lui répondre. Mais peu à peu, il se laissa gagner par les charmes mélancoliques du voyage. La monotonie même des choses qui l'entouraient le pénétra. La répétition régulière de ce qui se passait sous ses yeux lui offrit un certain intérêt. Et de nouvelles habitudes vinrent insensiblement remplacer celles qui avaient été si brusquement rompues par son départ. D'ailleurs, la vie même du bord avait pris une activité pour l'équipage et pour les passagers, un intérêt qu'elle n'avait pas pendant les premières journées où l'on s'éloignait de l'Europe. On approchait de Terre-Neuve, de ce que les marins appellent les bancs, et c'est toujours le moment critique de la traversée. La température s'était refroidie, l'air s'était obscurci, et l'on avait rencontré de grands icebergs qui, descendant du pôle, s'en venait fondre dans les eaux chaudes du Gulf Stream. Plusieurs fois, le vapeur avait brusquement viré de bord, changeant sa route pour ne pas aller donner contre ses écueils flottants, s'ouvrir et couler bas. Puis d'épais brouillards, plus froids que la neige, avaient enveloppé le navire. Et jour et nuit, le sifflet d'alarme, par des coups stridents, avait averti les autres navires qui pouvaient se trouver sur son chemin. Coulerons-nous ceux que nous rencontrerons ? Serons-nous coulés par eux ? De pareilles questions discutées avec les officiers qui, dans leur caoutchouc couvert de givre et la barbe prise en glace arpentent le pont, sont faites pour distraire l'esprit et susciter l'émotion. Quand Léon débarqua à New York, son état moral ne ressemblait en rien à celui dans lequel il se trouvait lorsqu'il s'était arraché des bras de Cara à la gare du Nord. Si son père et sa mère, si Biasson avaient pu le voir, ils auraient cru que les espérances du fonctionnaire de la préfecture de police étaient en train de se réaliser. La puissance de l'accoutumance était considérablement affaiblie, et il ne faudrait pas bien des journées de voyage encore, sans doute, pour qu'elle fût tout à fait détruite. Alors que resterait-il de cette liaison? Ne verrait-il pas Cara ce qu'elle était réellement? Avant son départ de Paris, il avait été convenu qu'il descendrait au grand hôtel de la 5e avenue. Et c'était là qu'on devait lui envoyer des dépêches, s'il était besoin qu'on lui en envoyât. En tout cas, c'était là qu'on devait lui adresser ses lettres. Des dépêches, il n'en attendait point. Loin de s'aggraver, L'état de sa mère avait dû s'améliorer, et il n'y avait pas à craindre qu'Hortense fût malade. Triste, oui, ennuyée, mais non malade. Ce ne fut donc que par une sorte d'acquis de conscience qu'il demanda s'il n'y avait pas de dépêche à son nom. Grande fut sa surprise, profonde fut son angoisse lorsqu'on lui en remit une, et sa main trembla en l'ouvrant. Arriverai par Labrador peu après toi. N'écris à personne, ne télégraphie pas sans nous être vus. Hortense. Il resta stupéfait. Que se passait-il? Pourquoi cette dépêche? Pourquoi ce voyage? Pourquoi ne devait-il pas écrire? Pourquoi ne devait-il pas télégraphier? Toutes ces questions se pressaient dans sa tête troublée, sans qu'il la retrouvât une réponse satisfaisante ou raisonnable. Cette dépêche, en plus de l'inquiétude qu'elle lui causa, n'eut qu'un résultat qui fut de lui imposer le souvenir de Cara. Il ne vit plus qu'elle, il ne pensa plus qu'à elle. Il fut à elle comme s'il était encore à Paris et comme s'il venait de la quitter. Pourquoi arrivait-elle? Était-elle jalouse? Il n'y avait guère que cette explication qui parut sensée, et encore avait-elle un côté absurde. Une femme jalouse n'envoie pas une dépêche à celui qu'elle soupçonne. Il se rendit au bureau de la Compagnie transatlantique française pour savoir quand devait arriver le Labrador. On lui répondit que parti du Havre le samedi, il était attendu d'un moment à l'autre. Ainsi, Hortense avait quitté le Havre le jour où lui-même s'embarquait à Liverpool. C'était là un fait qui rendait ce mystère de plus en plus inextricable. Le mieux était donc d'attendre, sans chercher à comprendre ce qui échappait à des conjectures raisonnables. Et en attendant, il se fit conduire chez le banquier, où sa mère lui avait ouvert un crédit. Cela occuperait son temps et calmerait son impatience. Cela le distrairait de voir Wall Street, le quartier de la finance. Il fit passer sa carte à ce banquier, qui depuis longtemps était en relation d'affaires avec la maison au Poids d'Aguillon. Celui-ci le reçut plus que froidement. Alors Léon parla de son crédit. Sans répondre, le banquier prit une dépêche dans un tiroir et la lui présenta. Elle était en français et ne contenait que quelques mots. Considérez lettre du 5 courant comme non avenue et ouverture de crédit annulée. Au Poids d'Aguillon. C'était marché de surprise en surprise. Mais si la première était stupéfiante, celle-là en plus était outrageante. C'était sa mère qui annulait, par une dépêche adressée à son banquier et non à lui-même, le crédit qu'elle lui avait ouvert avant son départ, gracieusement, généreusement, sans même qu'il le demandât, et d'une façon beaucoup plus large qu'il ne paraissait nécessaire. Évidemment, c'était quand sa mère avait appris le départ d'Hortense qu'elle avait envoyé une dépêche. Mais alors, pourquoi l'avoir adressée au banquier et non à lui? Il y avait là une marque de méfiance qui lui causa une profonde blessure, aussi cruelle que l'avait été celle faite par la demande de conseil judiciaire. Qu'elle crût qu'il l'avait trompée en se faisant accompagner par Hortense dans ce voyage, cela il l'admettait, et il ne pouvait pas trop se fâcher de cette absence de confiance. Mais qu'elle le supposât capable de s'approprier, indélicatement, un argent qu'on lui refusait, cela, malgré ses efforts pour se calmer, l'exaspérait et lui donnait la fièvre. Ce fut dans ces dispositions qu'il attendit que le Labrador arrivé, mais retenu à la quarantaine, pût débarquer ses passagers. Si Hortense ne pouvait pas lui apprendre ce qui avait inspiré la dépêche au banquier, au moins elle lui expliquerait ce qui avait nécessité son voyage. Il n'aurait plus à aller d'une interrogation à une autre, les brouillant, les enchevêtrant et n'arrivant à rien. De loin, il l'aperçut, appuyé sur le bastingage, lui faisant des signes avec son mouchoir. Enfin, elle mit le pied sur le pont volant et se faufilant au milieu des passagers qui ne se hâtaient point, n'étant attendus par personne, elle arriva à Léon et, émue, palpitante, elle se jeta dans ses bras. Chapitre 26. Ils montèrent en voiture pour se rendre à l'hôtel et aussitôt Léon voulut interroger Cara. Mais sans répondre, elle le regarda en le pressant dans ses bras. Laisse-moi te regarder, t'embrasser, dit-elle. Enfin, je suis près de toi. Je te tiens. On ne nous séparera plus. Oh, ces 12 jours, j'ai vieilli de 10 ans. M'aimes-tu ? Tu le demandes ? Oui, et il faut que tu le dises, il faut que tu le jures. Il faut que je voie, que je sente que tu n'es pour rien dans ce qui arrive. Mais qu'arrive-t-il ? Tu ne le sais pas ? Disant cela, elle plongea dans ses yeux. « Non, continua-t-elle, tu ne le sais pas. Ce regard limpide, ces yeux honnêtes ne peuvent pas mentir. Je savais bien que je n'aurais qu'à te voir pour être rassurée. Mais encore, on a préparé une terrible machination pour nous séparer. Qui ? Tes parents, ta mère. J'en ai la preuve que je t'apporte. Quand tu auras vu, quand tu auras lu, tu comprendras que nous avons été trompés. Dupée. Elle le regarda du coin de l'œil. Elle fut surprise de voir qu'il ne bronchait pas, qu'il ne se révoltait pas, et cela était un point d'une importance décisive qu'il écouta les accusations contre sa mère sans même tenter de les arrêter. Que dois-je lire ? À l'hôtel. Jusque-là, laisse-moi toute à la joie de te voir. Puisque nous sommes réunis, nous pourrons parler, nous expliquer, car il faut que nous nous expliquions franchement. Loyalement, sans arrière-pensée, et que nous sachions à quoi nous en tenir, non seulement pour l'heure présente, mais pour l'avenir. Il voulut insister, elle lui ferma les lèvres avec un baiser. Laisse-moi jouir de ces minutes du retour qui passent trop vite. Je t'ai, je te tiens, je n'écouterai qu'un mot si tu veux bien me le dire. M'aimes-tu ? Ils arrivèrent à l'hôtel, et alors il voulut la prendre dans ses bras. Mais elle se dégagea et le tint à distance. « Maintenant, dit-elle, l'heure des explications décisives a sonné. J'ai voulu pendant ce trajet n'être qu'à la tendresse et à l'amour. Maintenant c'est notre vie qui va se décider. » De son carnet, elle tira un papier plié en 4 et le lui tendit. « Lis, dit-elle. » Il voulut la tenir dans son bras pendant que de l'autre il prenait ce papier. Mais doucement elle recula, et se tint debout devant lui tandis qu'il restait assis. « Je veux te voir, dit-elle, c'est ton regard qui m'apprendra ce que je dois faire. » Ayant ouvert ce papier, il courut à la signature, mais après avoir lu le nom de Rouspineau, il regarda Hortense avec surprise, comme pour lui dire qu'il jugeait inutile de continuer. « Lis, dit-elle d'une voix saccadée, ne vois-tu pas que tu me fais mourir ? » Il lut. Je sous-signais, reconnais, premièrement que c'est par ordre de Madame Aupois d'Aguillon que j'ai fait des démarches pour être payée par Monsieur Léon Aupois de ce qu'il me doit. Deuxièmement que les 4 premiers billets souscrits par Monsieur Léon Aupois ont été payés à l'échéance par la maison Aupois d'Aguillon et qu'ils n'ont été protestés que pour la forme. Comme il restait immobile, accablé, elle dit « Tu connais l'écriture de Rouspineau ? Tu connais sa signature. Tu ne les connais que trop par toutes les lettres dont il t'a poursuivi. Tu vois donc que cette reconnaissance est bien écrite par lui. » Il ne répondit pas. Tu vois aussi quel a été le rôle de Rouspineau et comment on s'est servi de lui, comment on s'est servi de Brasier pour te forcer à quitter Paris où l'on t'a, par toutes ces humiliations, rendu la vie insupportable. Rouspineau et Brasier, pour gagner leur argent, ont joué le rôle qui leur était imposé. Et ta mère elle-même a joué le sien dans la comédie de la maladie. Enfin, on s'est moqué de toi. » C'était lentement qu'elle parlait, en le regardant, surtout en attendant que chaque mot y produise son effet, de façon à n'arriver que progressivement à sa conclusion. Tout à coup, Léon releva la tête et la regardant en face. « As-tu vu ma mère ? » dit-il. « Non. » « As-tu vu quelqu'un envoyé par elle ? » « Personne. » « Lui as-tu écrit ? Mais tu es fou !» Comme elle ne connaissait pas la dépêche envoyée au banquier, elle se demandait ce que signifiaient ces étranges questions. Mais son plan étant tracé à l'avance, elle ne voulut pas s'en écarter. « Ce que tu veux savoir, n'est-ce pas ? » dit-elle. « C'est comment j'ai appris le rôle joué par Rouspineau en cette affaire. » Tout simplement en l'interrogeant. J'avais, je l'avoue, été bien surprise par les demandes insolentes de Brasier et de Rouspineau. L'insistance de ces gens à te poursuivre me paraissait étrange et jusqu'à un certain point inexplicable. Tu n'es pas le premier fils de famille à qui ils ont prêté de l'argent. mais tu étais le premier à qui il le réclamait de cette façon. Le vendredi, veille de ton départ, Rouspineau, depuis longtemps déjà pressé par moi, se décida à parler. D'aveu en aveu, je lui arrachai ce que tu viens de lire. Et contre l'engagement que je pris de lui payer les deux billets que tu dois encore, il consentit à m'écrire ce papier. Ceci se passait le vendredi soir. Tu devais t'embarquer le samedi matin à Liverpool. Que faire? Il m'était impossible de te rejoindre. Et d'autre part, je n'osais t'envoyer une dépêche, craignant qu'elle fût interceptée par ton ami Biasson, qui, tu dois le comprendre maintenant, ne t'avait accompagné que pour te surveiller et t'expédier comme un colis, sans crainte de retour. Ah, toutes les précautions étaient bien prises. Alors je résolus de te rejoindre ici. J'eus le temps de rentrer chez moi, de faire mes malles à la hâte avec l'aide de Louise et de prendre le train du Havre qui part à 9:10. Arrivé au Havre, j'allai au télégraphe pour t'envoyer ma dépêche. Puis je m'embarquai sur le Labrador et me voici. Dans quelle situation morale je fis la traversée, tu peux l'imaginer. Je voyais tout le monde conjurer pour te séparer de moi et je me demandais si tu n'étais pas d'accord avec tes parents. Moi ? Cela était absurde et encore plus injuste, j'en conviens. Mais toi aussi, tu conviendras qu'il était bien difficile d'admettre que ta mère, qui, tu l'as toujours dit, t'aime et ne veut que ton bonheur, il était bien difficile d'admettre que ta mère avait pu, toute seule, machiner un pareil plan. J'ai quitté Paris décidé, je te l'avoue, à pousser les choses à l'extrême pour trancher notre situation dans un sens ou dans un autre. Ou nous nous séparerons franchement, ou je deviens ta femme. Tu as 25 ans accomplis. Tu peux te marier malgré ton père et ta mère, à la condition de leur faire des sommations. Si tu m'aimes comme je t'aime, si tu comprends que je suis tout pour toi, qu'il n'y a que près de moi que tu peux trouver de l'affection et de la tendresse, si tu vois enfin ce qu'est pour toi cette famille qui t'a donné un conseil judiciaire, qui t'a déshonoré en te livrant aux moqueries des usuriers, qui s'est joué de ton bonheur, de ton honneur, dans le seul intérêt de son argent, si tu comprends tout cela, tu n'hésites pas à me donner ton nom, dont je suis digne par l'amour que je t'ai toujours témoigné. Si tu hésites, retenu par je ne sais quelle lâche considération mondaine, je n'hésite pas, moi, à me séparer d'un homme qui n'est pas digne d'être aimé. » Elle avait prononcé ce discours, évidemment préparé à l'avance, en détachant chaque mot, et les yeux dans les yeux de Léon. C'était en arrivant seulement à son projet de mariage qu'elle avait pressé son débit, de manière à n'être pas interrompue. Ayant dit ce qu'elle avait à dire, elle attendit, suivant sur le visage de son amant les divers mouvements qui l'agitaient, et lisant en lui comme dans un livre. Or ce qu'elle lisait n'était pas pour la satisfaire. Tout d'abord la surprise, puis l'embarras, puis enfin la répulsion. Mais elle n'était pas femme à se fâcher, et encore moins à se décourager en voyant l'accueil fait à son projet. À vrai dire, elle l'avait prévu, cet accueil. Elle connaissait trop bien Léon pour s'imaginer, alors que dans les longues heures de la traversée, elle préparait ce discours, qu'il allait lui répondre en lui sautant au cou et en écrivant à un notaire de Paris pour que celui-ci procédât aux sommations respectueuses. Cette hardiesse de résolution n'était pas dans le caractère de Léon. Si monté qu'il pût être contre ses parents, et de ce côté elle l'avait trouvé dans les dispositions les plus favorables à ses desseins, si exaspéré qu'il fût, il avait trop le sentiment de la famille. Il était trop petit garçon. Il était trop dominé par le respect humain pour risquer aussi franchement une déclaration de guerre à visage découvert. Si elle l'avait cru capable d'un pareil coup de tête, elle n'aurait pas entrepris ce voyage d'Amérique. Et à Paris même, elle se fût fait épouser. Si malgré ses prévisions, elle avait cependant parlé de ce mariage précédé de sommation, c'était parce qu'il était dans ses principes de ne jamais rien négliger de ce qui avait une chance, si faible qu'elle fût, de réussir. Or, comme il se pouvait que Léon, en se voyant en butte aux tracasseries de sa famille, entrât dans un accès d'exaspération qui lui ferait accepter cette idée de mariage, elle avait cru devoir la mettre en avant, quitte à se replier sur une autre si celle-là était repoussée. Et en conséquence, elle avait préparé cette autre idée dont la réalisation, pour lui donner des avantages moins complets que la première, n'en serait pas moins cependant pour elle un superbe succès qui couronnerait ses efforts. L'exaspération ne s'étant pas produite chez Léon au point de l'entraîner aux dernières extrémités, Cara ne commit point la maladresse de lui faire une scène de reproche qui n'aurait abouti à rien de pratique. Elle était indignée de voir son embarras et son trouble, et c'eût été avec une véritable jouissance qu'elle lui eût reproché sa lâcheté en l'accablant de son mépris. Mais on ne fait pas ce qu'on veut en ce monde. Elle n'avait pas traversé l'océan pour s'offrir des jouissances purement platoniques. Plus tard, elle se vengerait de ses hésitations enfantines. Pour le moment, elle avait mieux à faire. Plus tard, elle lui dirait ce qu'elle pensait de lui. Pour le moment, elle ne devait lui dire que ce qui était utile. Jusqu'alors, elle avait parlé debout, devant Léon, en le tenant sous son regard. Mais si cette position était bonne pour l'observer et le dominer, elle était mauvaise pour le toucher et, dans un mouvement de trouble passionné, lui faire perdre la tête. Elle vint donc se placer près de lui, sur le canapé où il était assis. « Voilà dans quelle disposition j'ai quitté Paris, » dit-elle, « décidée à t'obliger à la rupture ou au mariage. À la rupture si tu étais le complice de ta famille, ou au mariage si tu en étais la victime. Et ma résolution était si bien arrêtée que j'ai eu soin de prendre avec moi tous les papiers nécessaires à ce mariage, tes actes de naissance et de baptême, ainsi que les miens. Tu vas me dire que ce n'est pas en quelques minutes qu'on obtient ces actes. Cela est juste, et je ne veux pas qu'à cet égard il s'élève un doute dans ton esprit. J'avais ces actes depuis quelque temps déjà, bien avant que ton voyage fût décidé. Les légalisations qui sont sur les actes de naissance en feront foi par leur date. » Pourquoi avait-elle levé ses actes bien avant que le voyage de Léon fût décidé? Ce fut ce qu'elle n'expliqua pas. Il suffisait au succès de son plan que Léon ne put pas croire qu'elle avait eu le temps de les obtenir entre le moment où Spino avait parlé et celui où elle était partie. Et la date de la légalisation était une réponse suffisante à cette question, si Léon se la posait. Elle continua. « Pendant les premiers jours de la traversée, je m'affermis dans ma résolution, rupture ou mariage. Il n'y avait que cela de possible, il n'y avait que cela de digne. Comment as-tu pu admettre de sang-froid que je te trompais? Remarque que j'étais dans une situation terrible. Si je n'admettais pas que tu me trompais, je devais admettre que c'était ta mère qui te trompait. Et malgré tout, je n'osais porter une pareille accusation contre celle qui était ta mère. Tant jusqu'à ce jour, je m'étais habitué à la respecter. Enfin, je passai quelques jours dans une angoisse affreuse, malade en plus, horriblement malade par la mer. Pendant ces jours de douleur, je n'ai pas quitté ma cabine. Cependant, cet état de maladie et de faiblesse a eu cela de bon qu'il a calmé la fièvre et la colère qui me dévoraient quand j'ai quitté Paris. Une nuit que tout le monde dormait dans le navire et que le silence n'était troublé que par le ronflement de la machine et le gémissement du vent dans la mâture, j'ai eu une vision. Je dis une vision et non un rêve, car je ne dormais pas. Écoute-moi sérieusement. Je t'écoute. Sans douter de la réalité de cette vision, malgré ton irreligion, j'ai vu, j'ai entendu mon ange gardien. Avec tes idées, je sais que cela doit te paraître insensé. Cependant, cela est ainsi. Il me parle et voici ses paroles. Tu serais coupable de pousser ton ami à peigner ses parents. Mais tu serais coupable aussi de persévérer plus longtemps dans la vie qui est la vôtre. Puis la vision disparut, et je restai livré à mes pensées, m'efforçant de m'expliquer ces paroles qui m'avaient bouleversé. Le premier avertissement me parut assez facile à comprendre. Il voulait dire que je ne devais pas exiger de toi les sommations respectueuses à tes parents, qui seraient une si cruelle blessure pour leur vanité et leur orgueil. Donc je devais renoncer à mon projet de mariage tel que je l'avais arrangé dans ma tête pendant ces si longues journées. Je ne suis pas femme à désobéir à la volonté de Dieu. Je renonçais donc à ce mariage. Elle baissa les yeux comme si elle était profondément émue, mais elle avait été douée par la nature d'une qualité que l'usage avait singulièrement perfectionnée, celle de voir sans paraître regardée. Elle remarqua que le visage de Léon, jusqu'alors douloureusement contracté, se détendit. Après un moment donné à l'émotion, elle poursuivit. Le second avertissement était moins clair. Comment ne pas persévérer dans la vie qui était la nôtre? La première idée qui s'offrit à mon esprit fut celle de la rupture. Je devais me séparer de toi. S'il m'avait été cruel de renoncer à ce projet de mariage qui assurait mon bonheur pour l'éternité, combien plus cruel encore me fut la pensée de la séparation. J'avais pu, après bien des combats, abandonner l'espérance d'être ta femme. Mais je ne pouvais pas t'abandonner toi-même, renoncer à notre amour, à mon bonheur, à la vie. Je me dis qu'il était impossible que telle fût la volonté de Dieu, et je cherchais un autre sens à ses paroles. C'est hier seulement que j'ai trouvé, et de ce moment j'ai abandonné ma cabine, guérie, pour monter sur le pont comme si j'étais insensible au mal de mer. Voilà pourquoi je ne suis pas trop défaite. Ah, si tu avais pu me voir il y a 2 ou 3 jours, je n'étais qu'un spectre. Comment suis-je ? Elle resta un moment, assez long, à le regarder dans les yeux, en face de lui, et si près que de son souffle, elle lui faisait trembler la barbe. Il voulut encore la prendre dans ses bras, mais doucement elle lui abaissa les mains qu'elle prit dans les siennes et qu'elle embrassa tendrement. « Écoute-moi, dit-elle, je t'en prie, écoute-moi avec toute ton âme, sans distraction, sans pensée étrangère à ce qui nous occupe, car c'est ma vie que tu vas décider par un oui ou par un non. Écoute-moi. » Et de nouveau, se penchant en avant, elle lui baisa les mains, mais cette fois fiévreusement, passionnément. « Ce qui m'avait trompée, dit-elle, c'était la pensée que je devais renoncer à devenir ta femme. Ta femme par un mariage légal, avec consentement de tes parents et publication. Oui, à cela je dois renoncer. Mais ta femme par un mariage religieux, sans consentement de tes parents, sans publication. Ta femme pour toi seule et pour Dieu. Oui, voilà ce que je dois poursuivre. Voilà ce que Dieu exige. Voilà ce que je te demande. Voilà ce que tu m'accorderas si tu m'aimes. Voilà ce que je vais exiger de toi et ce qui amènerait notre séparation si tu me le refusais. Je t'ai demandé de m'écouter tout à l'heure. Je te répète ma prière à tes genoux. Avant de parler, avant de répondre, avant de prononcer le oui ou non qui va décider notre vie à tous deux, notre bonheur ou notre malheur, comme tu voudras, écoute-moi jusqu'au bout. » Elle se laissa glisser à terre, et jetant les bras autour de Léon, elle resta serrée contre lui, la tête levée, le regardant ardemment. « Et ce que je te demande, ce n'est rien qu'une marque d'amour, la plus grande, la plus haute que tu puisses me donner. C'est pourquoi tu me vois à tes genoux te priant, te suppliant à main jointe, comme si je m'adressais à Dieu. J'aurais persisté dans ma première idée d'exiger de toi un vrai mariage, je ne serais pas dans cette position. Je t'aurais dit simplement ce que je désirais, et j'aurais attendu la réponse sans appuyer ma demande par un mot ou par un geste. Car un vrai mariage légal m'aurait donné des droits que celui que j'implore ne me donnera jamais. Par un mariage légal, je me serais trouvé ta femme aux yeux de la loi, c'est-à-dire que j'aurais partagé ta fortune, celle que tu recueilleras un jour dans la succession de tes parents. J'aurais porté ton nom, j'aurais été ton héritière pour le cas où tu serais mort avant moi. Cela a compliqué ma demande de questions d'argent et d'intérêt qui m'eussent imposé une grande réserve. Dieu merci, cette réserve n'existe pas maintenant. Et je n'ai pas à me renfermer dans une froide dignité. Je peux te prier, te supplier, faire appel à ta tendresse, à l'amour, à nos souvenirs de bonheur, sans qu'on puisse m'accuser de calcul et sans craindre de mêler l'argent au sentiment. Car ce mariage purement religieux ne me donnera aucun droit à ta fortune. Je ne serai pas ta femme pour la loi, je ne porterai pas ton nom. Pour tous, notre union sera nulle, elle n'existera que pour nous et que pour Dieu. Voilà pourquoi j'insiste, pourquoi je te presse. Que m'importe la loi des hommes? Je n'ai souci que de celle de Dieu. » Ce n'était pas seulement par la parole qu'elle le pressait, c'était encore par le regard, par la voix, par l'accent, par le geste, se serrant contre lui, l'enveloppant, l'étreignant, le fascinant. S'il y avait de l'habileté dans ce qu'elle disait, combien plus encore y en avait-il dans la façon dont elle le disait? Ce discours eût pu laisser calme un indifférent, mais ce n'était pas à un indifférent qu'elle s'adressait, c'était à un homme qui l'aimait, qui était séparé d'elle depuis 15 jours, qu'elle avait depuis longtemps étudié dans son fort aussi bien que dans son faible, et qu'elle connaissait comme la pianiste connaît son clavier. Pendant toute la traversée, elle avait soigneusement travaillé les airs qu'elle jouerait sur ce clavier, et dans ce qu'elle disait, dans ce qu'elle faisait, rien n'était livré au hasard dangereux de l'improvisation. Que n'eût-elle pas espéré, si elle avait pu savoir que celui sur qui elle exerçait déjà tant de puissance venait d'être frappé au cœur par un coup qui lui enlevait toute force de résistance? connaissant la dépêche au banquier, ce n'eût peut-être pas été le seul mariage religieux qu'elle eût poursuivi. Elle reprit. « Pour être sincère, je dois dire que ce n'est pas seulement le repos de ma conscience que je te demande, c'est encore celui de ma vie entière, celui de la tienne. Il est bien certain que par tous les moyens, tes parents poursuivront notre séparation. Le passé nous annonce l'avenir. Ils ne reculeront devant rien. Qui sait s'ils ne réussiront pas ? On est bien fort quand on est prêt à tout. Ce mariage nous défendra contre eux, et il me donnera la sécurité sans laquelle je ne peux plus vivre. Tu leur diras la vérité, et alors ils seront bien forcés de renoncer à la guerre. Qui sait même si ce ne sera pas la paix qui se fera quand ils auront compris que la guerre est impossible et inutile. Tu leur diras aussi comment les choses se sont passées, comment je n'ai voulu, comment je n'ai demandé que le mariage religieux quand je pouvais exiger l'autre. Et cela leur montrera qui je suis. Ils apprendront par là à me connaître, et je l'espère à m'estimer. Qui sait ce que deviendront alors leurs sentiments pour moi ? Nous vois-tu tous réunis ? Elle se tut pendant quelques secondes, voulant laisser à la réflexion le temps de sonder cet avenir qu'elle n'avait voulu qu'indiquer. Puis, après avoir étreint Léon une dernière fois, et lui avoir baisé les mains longuement, en les mouillant de ses larmes brûlantes, elle se releva. J'ai tout dit. À toi maintenant de prononcer. Jamais nous n'avons traversé une crise plus grave. C'est notre vie ou notre mort que tu vas choisir. Tu dis oui et je me jette dans tes bras pour y rester à jamais, n'ayant d'autre souci que de me consacrer à toi tout entière et de te rendre heureux en t'aimant, en t'adorant, comme jamais homme n'a été adoré. Tu dis non et je m'éloigne pour ne te revoir jamais, car mon amour ne résisterait pas au mépris que tu me témoignerais en me refusant une juste satisfaction qui te coûtera si peu. Réduite au terme dans laquelle je la pose, la question que tu as à trancher en ce moment consiste simplement à savoir si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes, je reste. Tu ne m'aimes plus, je pars. C'est donc là le mot, le seul que tu as à dire. Je t'aime. Tes lèvres l'ont prononcé bien souvent. Le diront-elles encore ou ne le diront-elles point ? Parlant ainsi, elle avait fiévreusement remis son chapeau et son manteau. Puis à chaque mot, elle avait avancé peu à peu vers la porte qu'elle touchait. Léon l'avait suivie. Elle posa la main sur le bouton de la serrure, puis elle plongea ses yeux dans ceux de son amant. Ils restèrent ainsi longtemps. Enfin, il ouvrit les bras, elle s'abattit sur sa poitrine. Qu'avait-elle à demander de plus ? Il l'avait retenue. Chapitre 27. Elle n'était pas femme à s'endormir dans le succès et à attendre patiemment que Léon fut disposée à réaliser l'engagement tacite qu'elle avait eu tant de peine à lui arracher. Il pouvait réfléchir lorsqu'il serait de sang-froid et revenir alors sur cet engagement. D'autre part, il y avait à craindre que ses parents n'intervinssent auprès de lui, soit en accourant eux-mêmes d'Amérique, soit en faisant agir un homme d'affaires habile et qu'ils n'arrivassent ainsi à changer sa résolution, qui n'était pas assez ferme pour qu'on pût avoir pleine confiance en elle. Dans ces circonstances, le mieux était donc de ne pas perdre une minute et de faire célébrer aussi promptement que possible le mariage religieux. Elle savait que les mariages de ce genre se font facilement et rapidement en Amérique, mais elle ignorait en quoi consistait au juste cette facilité et cette rapidité. On lui avait dit que l'acte de naissance et l'acte de baptême étaient les seules pièces qu'on exigeait. Cela était-il vrai ? Était-il vrai aussi que les délais entre la demande et la célébration étaient insignifiants ? Elle voulait mieux que des on-dit plus ou moins vagues. C'était des certitudes qu'il lui fallait. Le lendemain matin, alors que Léon était encore au lit, elle sortit pour aller remercier le bon Dieu. Son absence ne serait que de quelques minutes, le temps d'aller à l'église la plus voisine, et elle revenait. Ce fut en effet à l'église catholique la plus rapprochée qu'elle se fit conduire. Mais au lieu de remercier le bon Dieu, elle entra à la sacristie et demanda si elle pouvait parler à un prêtre qui fût français ou qui entendit le français. À ces mots, un prêtre qui arrangeait des surplis dans un tiroir lui répondit avec un accent étranger très prononcé qu'il était à sa disposition. Il se préparait à entrer dans l'église, croyant qu'il s'agissait d'une confession, quand elle le retint. Elle venait lui demander un conseil pour un mariage. Et alors, dans un coin de la sacristie, elle lui raconta l'histoire qu'elle avait préparée. Elle venait d'arriver à New York avec son fiancé, et ils étaient pressés de partir pour l'Ouest. Mais avant, ils voulaient faire bénir leur union par l'Église, si toutefois on ne leur imposait pas de trop longs délais. Car si ces délais devaient les retenir à New York, ils seraient obligés de se mettre en route avant d'avoir reçu le sacrement du mariage, ce qui serait une grande douleur pour leurs âmes chrétiennes. Elle désirait donc qu'on abrégeât ces délais autant que possible. Elle était disposée à payer toutes les dispenses nécessaires, et de plus à faire à la chapelle de la Très-Sainte Vierge un cadeau proportionné au service qu'on lui aurait rendu. L'entretien fut long, et Cara le fit sans cesse revenir sur ce point décisif qu'il fallait pour leur salut qu'on les mariât avant leur départ pour l'Ouest. Mais le succès dépassa ses espérances, car le prêtre consentit à les marier à l'instant même, s'il avait les pièces exigées pour le mariage. Elle crut avoir mal entendu, ou que le prêtre l'avait mal comprise. Elle recommença ses explications. Le prêtre, après l'avoir patiemment écouté, lui répéta ce qu'il lui avait déjà dit. Elle eut peur alors qu'un tel mariage ne fût pas valable, mais le prêtre lui assura qu'il était au contraire indissoluble. Elle pouvait donc se présenter avec son fiancé quand elle le voudrait, ce jour même, le lendemain, et après s'être l'un et l'autre confessés, ils seraient mariés. Ils n'auraient pas besoin d'amener des témoins, on leur en fournirait. Un bedeau et un enfant de cœur rempliraient cet office. Tout autre qu'un prêtre lui eût tenu ce langage, elle eût cru qu'on se moquait d'elle. Mais ses paroles étaient évidemment sérieuses. Il ne lui restait donc qu'à profiter de ce qu'elle venait d'apprendre, et au plus vite. Elle remercia ce prêtre si complaisant, elle lui dit qu'elle allait revenir bientôt avec son fiancé. Avant de rentrer à l'hôtel, elle s'arrêta chez un bijoutier, et elle acheta un anneau ainsi qu'une pièce de mariage. Arrivée à l'hôtel, elle garda sa voiture, puis rapidement elle monta à la chambre de Léon. Il était en train de s'habiller. « Veux-tu mettre une redingote ?» lui dit-elle. « Pourquoi ne veux-tu pas que je garde cette jaquette ? Je serai plus à mon aise. »« Parce que nous allons nous marier, et je ne voudrais pas que tu fusses en jaquette. Cela me serait un mauvais souvenir. »« Nous marier ? » s'écria-t-il en riant. Mais elle prit ses grands airs, et dignement, elle lui raconta ce que le prêtre de Saint-François venait de lui apprendre. Ils étaient attendus. Elle avait promis de revenir avant une demi-heure. Tout en parlant, elle changeait de robe et prenait une toilette noire, simple et sévère. « Eh bien, » dit-elle. « Mais un pareil mariage est absurde, » dit Léon. « Il ne vaut rien. »« Que t'importe, ne t'inquiète pas de cela. Dis-moi que tu reviens sur ce que tu m'as promis hier, que tu ne veux plus ce que tu as voulu, que j'ai eu tort d'avoir foi en toi. Je comprendrai tout cela. Mais ne dis pas que ce mariage est absurde. S'il l'est, c'est une raison précisément pour qu'il ne te fasse pas peur, puisqu'il ne t'engagera à rien. S'il ne l'est pas, ce que j'espère, ce que je crois, pourquoi le refuserais-tu aujourd'hui quand tu l'as accepté hier ? » Il n'y avait pas à répondre, ou plutôt il y avait trop de choses à répondre. La cérémonie fut bâclée en peu de temps. Ils signèrent sur un registre. Un vieux bedeau de 80 ans et un enfant de cœur de 13 ou 14 ans signèrent après eux. Puis le prêtre, qui avait célébré la messe, signa à son tour. Ils étaient mariés. Dans un rêve, les événements n'auraient pas marché plus vite. Était-ce possible? Précisément parce que la validité d'un mariage conclu dans ces conditions paraissait plus que douteuse à Léon, il voulait faire quelque chose de positif et de solide pour Hortense. Après leur déjeuner, il la fit monter en voiture avec lui et il dit au cocher de les conduire dans Broadway à un numéro qu'il lui indiqua. « Où allons-nous ? » demanda-t-elle. « Tu vas le voir. » Ils s'arrêtèrent à la porte d'une compagnie d'assurance sur la vie, et là, tout aussi promptement qu'à l'église, Léon conclut une assurance en vertu de laquelle la compagnie s'engageait à payer à Madame Hortense Binoche, sa femme, si elle lui survivait et après son décès, la somme de 50 000 $. Quand Léon eut payé la première prime, il montra son portefeuille à Hortense. Il ne lui restait que quelques billets. « Voilà toute ma fortune, » dit-il assez gaiement. Et il lui raconta comment le crédit qui lui avait été ouvert avait été presque aussitôt supprimé. « Ce qui est à la femme, » dit-elle, « est aussi au mari. Nous partagerons. Et comme avec ce que j'ai apporté, nous ne sommes pas tout à fait à sec, nous nous en irons, si tu le veux bien, visiter les grands lacs et le Canada. Cela vaut bien la banale promenade des jeunes mariés en Suisse ou en Italie. » 3 jours après le départ de Léon et de Cara, Madame Aupois d'Aguillon débarquait à New York et descendait à l'hôtel que son fils venait de quitter. Elle accourait, ayant tout quitté, tout bravé pour le sauver. Mais elle arrivait trop tard. Partie pour l'Ouest. Où ? On n'en savait rien. Pour l'Ouest avec Milady. Il n'y avait pas à le chercher, ni à courir après lui. Où le trouver ? Et d'ailleurs, comment l'arracher à cette femme ? Cependant, ce voyage de Madame Aupois d'Aguillon ne fut pas complètement inutile. Grâce au consul pour qui elle avait une lettre de recommandation, grâce à un homme d'affaires actif et intelligent avec qui on l'a mis en relation, elle apprit, avant de se rembarquer pour l'Europe, que Léon s'était marié à l'église Saint-François devant l'abbé O'Connor avec la demoiselle Hortense Binoche. Marié, lui son fils. Marié avec cette femme, une fille. Léon et Cara employèrent 3 mois à visiter la région des Grands Lacs et à descendre le Saint-Laurent. C'était un vrai voyage de noces. Jamais on n'avait vu jeune marié plus tendre. Cependant, il y avait des heures où le mari paraissait sombre et préoccupé. Quant à la femme, elle était radieuse. Tout lui plaisait, la séduisait, l'enchantait. Enfin, ils s'embarquèrent à Québec pour Glasgow. Et ce fut seulement après une promenade en Écosse, non moins sentimentale que celle du Canada, qu'ils rentrèrent à Paris. Une surprise, cruelle pour Cara, les y attendait. Le concierge de la rue Aubert remit à Léon toute une liasse de papiers timbrés. De la lecture de ces assignations, il résultait que M. et Mme Aupois d'Aguillon demandaient au tribunal de la Seine la nullité d'un prétendu mariage conclu par leur fils, Léon Aupois d'Aguillon, avec une demoiselle Hortense Binoche devant un prêtre de l'église de Saint-François à New York, États-Unis, lequel mariage avait été précédé d'aucune publication et avait été fait sans le consentement des pères et mères du marié. Qu'au terme de l'article 182 du Code civil, le mariage ainsi contracté était nul et qu'il importait au demandeur de ne pas laisser écouler le délai prévu par l'article 183 du même Code pour porter leur action en nullité devant la justice. Faisant un rouleau de toutes ces paperasses, Léon les porta immédiatement chez Nicolas pour savoir ce qu'il devait faire. L'avis de l'avocat fut qu'il n'y avait absolument rien à faire et qu'il était inutile de se défendre, attendu qu'il n'y avait pas un tribunal en France qui ne prononcerait la nullité d'un mariage conclu dans de semblables conditions. Une seule chose était possible, c'était d'adresser des sommations respectueuses aux parents et après les délais légaux et les formalités en usage, de procéder à un nouveau mariage. Il n'y a que cela de pratique, dit Nicolas, et c'est le conseil que je vous donne, si toutefois vous voulez de nouveau, et toujours, vous marier. Comme Léon s'en revenait rue Aubert et passait sur la place de la Madeleine, il aperçut une dame en grand deuil qui traversait le boulevard comme pour entrer à l'église. Cette dame ressemblait d'une façon frappante à sa mère. Même tournure, même taille, même démarche. C'était à croire que c'était elle. Mais cette pensée ne fut pas plutôt présentée à son esprit qu'il la chassa. Cela n'était pas possible. C'était sa vision intérieure qu'il voyait. Sa mère n'était pas en deuil. De qui serait-elle en deuil? Il regarda plus attentivement. Une voiture ayant barré le passage à cette dame, celle-ci s'arrêta et tourna à demi la tête du côté de Léon. C'était elle. Le doute n'était pas possible. C'était bien elle. Mais alors, que signifiait ce deuil? Instinctivement et sans réfléchir, il traversa le boulevard en courant. Quand il rejoignit Madame Aupois d'Aguillon, elle atteignait les premières marches de l'escalier. « Mère ! » s'écria-t-il d'une voix étouffée. Elle se retourna, et l'apercevant tout près d'elle, elle recula. « En deuil ? » dit-il. « Tu es en deuil ? De qui ?» Elle le regarda un moment. « De mon fils, » dit-elle. Elle continua de gravir l'escalier sans se retourner, le laissant écrasé, suffoqué.